Lors de notre dernier entretien, nous nous sommes penchés sur le récit de Jean, chapitre 13, où il est question du repas que le Seigneur a pris avec ses disciples dans la chambre haute à Jérusalem, juste avant sa mort. Peut-être vous souvenez-vous, chers auditeurs, de la réaction de Pierre quand le Seigneur avait voulu lui laver les pieds. Peut-être vous rappelez-vous aussi de la prétention avec laquelle Pierre avait promis à Jésus une fidélité à toute épreuve. « Je donnerai ma vie pour toi. » Jean 13, 37. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 22, que je vous invite à chercher dans votre Bible, nous découvrons des informations complémentaires sur cet entretien du Seigneur avec ses disciples. Lisons ensemble Luc 22, 31 à 34. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Si dans ce passage, le Seigneur montre à Pierre le danger d'être trop sûr de lui, en lui annonçant qu'avant la fin de la même nuit, il l'aurait renié trois fois, il l'informe aussi de ses prières spéciales en sa faveur. Pourquoi le Seigneur a-t-il prié pour Pierre? Il n'a pas demandé à son Père Céleste de garder Pierre de tomber dans le reniement, mais il a prié pour qu'il ne perde pas la foi lors de l'amère découverte de sa faillite après le reniement. « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Par avance, le Seigneur savait à quel point Pierre serait découragé lorsqu'il se trouverait au fond du trou, soudain confronté aux conséquences de sa faute. Cependant, avant que l'épreuve ne s'abatte sur Pierre, Jésus avait prié pour qu'elle ne dépasse pas ses forces. Avant que Pierre ne tombe, Jésus avait prévu comment le relever. Avant que Pierre ne renie le nom de Jésus, il avait préparé la délivrance de Pierre en vertu de l'autorité de ce nom. Chers amis à l'écoute, vous comme moi, nous sommes faillibles, vulnérables aux tentations les plus subtiles, aux chutes les plus dangereuses. Vous comme moi, nous sommes sujets au découragement et à la dépression, surtout quand nous découvrons ce dont nous sommes capables et coupables. Mais le Seigneur a prié pour nous. Et quand le Seigneur prie pour nous, il ne demande pas à son Père de nous éviter toute tentation, mais il prie pour que notre foi ne défaille point. Quels que soient nos manquements, il ne nous rejette pas. Quel que soit le degré de nos infidélités, il demeure fidèle. L'Écriture l'affirme. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 13. Avec la tentation, le Seigneur a préparé le moyen d'en sortir. C'est ce que l'apôtre Paul a admirablement exprimé en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Aussi, chers amis chrétiens, tandis que nous nous penchons sur le récit du reniement de Pierre, souvenons-nous que le Seigneur avait prié pour Pierre, comme il prie pour chacun de nous dans nos épreuves. Rejoignons maintenant Pierre dans la chambre haute à Jérusalem. Avec beaucoup de sincérité, Pierre vient de promettre à Jésus « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 33. Pierre n'a donc peur ni de la prison ni de la mort. Et pourtant, tout à l'heure, quand les 500 hommes de la cohorte, armés de lances et de gourdins, mettront la main sur Jésus, Pierre perdra le contrôle de ses nerfs. D'abord, il frappera d'un malheureux coup d'épée le serviteur du souverain sacrificateur, puis il fuira comme les autres, et il ne se souviendra plus du tout de ses bonnes résolutions. Cependant, continuons la lecture. C'est le récit de l'arrestation du Seigneur par les principaux sacrificateurs, Luc 22, 54 à 55. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Pierre suivait, oui, mais il suivait de loin. Ah, qu'il est triste lorsque des disciples de Jésus se contentent, aujourd'hui encore, de le suivre de loin. En contraste, je pense à une petite phrase positive que nous lisons dans la deuxième épître à Timothée, où l'apôtre Paul dit à son jeune disciple « Pour toi, tu as suivi de près. » De Timothée 3:10. Quand on est près du Seigneur, on bénéficie de sa présence, de ses paroles, de sa protection. Mais quand on le suit de loin, on ne lui parle plus dans la prière, on ne l'entend plus parler, on ne voit plus son regard. Alors, tout peut arriver. Comme il faisait froid, les adversaires du Seigneur s'étaient assis autour d'un feu qu'ils avaient allumé dans la cour du souverain sacrificateur. Et Pierre, oui, ce Pierre qui avait tant promis, ce Pierre qui voulait essayer de tout voir sans être vu. Pierre s'est donc assis parmi les ennemis de son Seigneur. D'abord, c'était une imprudence grave. Mais c'était aussi mépriser un avertissement biblique que Pierre devait connaître, puisque c'est le premier verset du livre des Psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ah, chers amis, combien la Bible sait décrire les situations, nos situations, et aussi le processus de nos inconséquences, de nos défaillances, de nos chutes. Pierre est assis auprès du feu, en compagnie de ceux qui tournent le Seigneur Jésus en dérision. Et, verset 56, une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Pierre croyait supporter la prison et la mort, mais il n'a même pas supporté le regard de cette jeune fille. Et combien souvent la tentation commence par un regard. Fixant ses regards sur Pierre, la servante l'a reconnu comme disciple de Jésus et elle l'a accusé. « Cet homme était aussi avec lui. » Que va faire Pierre ? Sortir de la cour, au risque d'être poursuivi, puis arrêté à son tour ? Ou bien prétendre qu'il n'a pas entendu ? Non, il préfère la voie la plus facile, celle du mensonge. Il prétend que la servante s'est trompée et réfute catégoriquement ses dires. « Femme, je ne le connais pas. » Verset 57. Ainsi Pierre croit qu'il s'est tiré d'affaire. Mais quelle illusion! Le deuxième accusateur ne tarde pas à se manifester. Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Verset 58. L'évangile de Jean précise que ce nouveau dénonciateur était un parent du serviteur du souverain sacrificateur, celui dont Pierre venait de couper l'oreille avec son épée, Jean 18, 26. Cette fois-ci, Pierre est donc repéré. Passera-t-il aux aveux ? Eh bien non. Il renie à nouveau son maître et cette fois se dissocie complètement des disciples de Jésus. Il ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Homme, je n'en suis pas. Une heure s'écoule. Mais le sujet des conversations n'a guère varié. Alors un autre doigt accusateur désigne Pierre. Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Luc 22, 59. L'accent de Pierre l'a trahi. Cette fois, c'est irréfutable. Pierre va-t-il se rétracter, confesser Christ, dire qu'il est fils de Dieu et qu'auprès de lui se trouvent les paroles de la vie éternelle, comme il l'avait affirmé avec tant de conviction quelque temps auparavant ? Non, tout au contraire. Comme le racontent les autres évangiles, Pierre s'énerve, perd tout contrôle, se met en colère, jure même avec imprécation qu'il ne connaît pas Jésus. C'est son troisième reniement. Cependant, il a à peine achevé sa phrase, que dis-je, son imprécation du verset 60. « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Qu'un coq de la région fait entendre son cri. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Jésus n'avait-il pas prévenu Pierre que cette nuit même, avant que le coq ne chante, il le renierait trois fois ? Jésus est le Créateur, et ce n'était pas un problème pour lui d'ordonner à un coq d'élever sa voix juste à ce moment-là. Et comme il est le sauveur, ce n'était pas non plus un problème de faire vibrer soudain une corde sensible chez Pierre. Un sauveur plein de compassion, qui, malgré le procès qu'il subissait, a pris en cet instant précis le temps d'envelopper Pierre d'un regard d'amour. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Verset 61. Chers amis à l'écoute, j'aimerais vous laisser à ce point du récit. Un récit que nous reprendrons la prochaine fois. Mais qu'en est-il de vous ? Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. En cet instant, Jésus-Christ, qui remplit la gloire du ciel, prend le temps de se tourner vers vous et de poser son regard sur vous. Il vous aime et il veut vous sauver. Ou bien, il veut recommencer tout à nouveau avec vous en vous ramenant à la voie du salut. Laissez-vous donc regarder par le Seigneur Jésus et qu'il fasse toutes choses nouvelles en vous. Alors, vous n'aurez pas écouté en vain cette émission.